Ouais, je suis en train de perdre mon anus. Trop fort, trop fort, trop fort. C'est bon? C'est bon! Ah ah ah ah! Je perds mon anus. C'est bon? Ah ah ah! Ah mon jojo! Ah mon caca! Ah mon jusqu'à! Ah ma caca! Ma zob zob! Ma cozobo! Ah zut de pute! Ah! Mes amis! Quelle fianterie, je vous jure! Vous savez que Jean-Pierre Raffarin est rentré hier soir chez lui. Eh ben, à qui ils ont demandé de veiller sur lui, lui de dire compagnie? Le bibi. Alors, comme je voulais pas y être seul, j'ai emmené avec moi le vieux, Valérie. Histoire d'équilibrer un peu, oui, entre humour fin et délicat, oui, ça c'est moi, et Valérie pour ce qui est des sujets chiants. On est arrivé vers 21h, il était allongé dans le salon. Alors, ça va, JP? Enfin, il bouge un petit peu, je peux vous parler quand même au Premier ministre. Oui, bon, ça va, hein. Il est peut-être Premier ministre, mais il a plus de vésicule biliaire, le Lascar. Alors qu'il la ramène pas non plus, hein. Écoutez, je vois pas le rapport. Oui, moi non plus, mais je savais pas quoi dire. Ouh, Jean-Pierre, chez moi, chez Valérie. T'es sûr qu'il est rétabli? Parce qu'il faudrait pas qu'il nous claque entre les doigts, Jean-Pierre. Enfin, le mout, il est convalescent. Foutez-lui la paix. Ah, Valérie, tu commences à me casser les couilles. Voilà, je l'ai dit. Vous êtes fous de vous chiffrer comme ça. Je vous rappelle que notre ami n'est pas en pleine forme, quand même. Bon, bah si, c'est ça. Moi, je regarde la télé. Bon, bah c'est ça. Allez regarder la télé. Oh, putain! Oh, c'est l'épisode de la guerre des étoiles! Oh, putain, ça cartonne! Ah oh, oui, vas-y! Vas-y, Obi-Wan! Mets-lui une branlée! Te laisse pas faire, bute-le! C'est qu'une couille moule, ce Dark! Helmut, mais vous perdez le sens commun! Baissez le volume, Jean-Pierre est en train de vomir! Oh, ok, c'est bon, je baisse. Non! Éteignez, ça suffit! Alors, Jean-Pierre, on se fait enlever la vésicule? C'est pas mal, ça, c'est bien. Quand est-ce que tu te fais retirer la bosse dans le cou? Helmut, vous n'êtes qu'un rustre. Vous êtes fou. N'écoutez pas, Jean-Pierre. Ça vous va très bien, cette petite bosse. Ça vous donne un petit genre Lagardère. C'est très chic. Ça fait difforme, oui. Helmut, allez-y, rentrez chez vous. Moi, je vais me débrouiller tout seul. Non, mais attends, on va rigoler. On va lui tremper le petit doigt dans l'eau pour qu'il pisse au lit. Helmut, sortez, dehors. Oh, t'es pas drôle quand tu t'y mets, toi. Et voilà, mes amis. Voilà, terminé. Comment j'ai réussi à me débarrasser de cette tannée de garder le vieux. Bon, je vous laisse. Je vais à Cannes, moi. Ah oui, Cannes. Cannes, c'est tout moi. Du champagne, des putes et des grandes salles obscures pour pioncer la journée. Allez, au revoir.